d'un autre monde où je pourrais être libre. Je rêve d'une autre vie où la vie serait féconde. Le soleil brille sur moi et mon cœur brûle ma peau. Je rêve tellement d'être avec toi et faire une vie à deux. Les papillons véreux volent autour de nous. Ils nous chuchotent de nous dire des mots doux. Et mes rêves les plus fous tournent dans ma tête. C'est à s'en tordre le cou. Et mon espérance est parfaite. Espérance dans ton absence, elle vit grâce à l'amour qui nous lie. Je rêve d'un autre monde où je pourrais être libre. Je rêve d'une autre vie. La vie serait féconde.